La marche de la sérénade pour trio à cordes en ut majeur, opus 10 d'Erne Donani, ce compositeur hongrois, composition de 1902, là interprétée par le trio Arnold, un extrait de leur tout récent disque Nuit hongroise. Excellent réveil avec France Musique en ce lundi 6 janvier. J'espère que la semaine s'annonce toute belle et pour aller dans ce sens, bien c'est parfait. Voici Max Dosholm pour Maxi Classique. Max Dosholm qui, aujourd'hui, nous parle du plus mystique de tous les compositeurs, un russe, auteur d'œuvres sublimes et d'une certaine manière prophétique, ou en tout cas en avance sur son temps. Dieu que c'est beau! Allez, on y retourne. Le compositeur de cette étude, de ce flux ininterrompu où mélodie et accompagnement ne font plus qu'un, serait né il y a 153 ans jour pour jour, le 6 janvier 1872. Mais lui préférait dire qu'il était né selon son calendrier à lui, le calendrier orthodoxe, le jour de Noël, le 25 décembre, histoire de dire que le messie de la musique, c'est lui, c'est Alexandre Scriabine. Il faut dire qu'à sa manière, Scriabine était aussi une sorte de prophète musical. Un pianiste virtuose, en tout cas, comme sa mère, qui composa dès son plus jeune âge des pièces inspirées, comme cette étude, écrite à seulement 23 ans. Une œuvre chopinesque ou schumannienne qui nous rappelle que Scriabine plaçait, paraît-il, des partitions de Chopin sous son oreiller pour s'endormir quand il était encore étudiant au conservatoire de Moscou, aux côtés de son grand rival Rachmaninov. Chopin, Schumann sont les grands modèles de Scriabine, mais avec le temps, ils s'éloignent de leur style enfiévré pour trouver au début du XXe siècle sa propre voix, pareille à nulle autre. Parmi les pièces orchestrales étonnantes de Scriabine, il faut citer le poème de l'Extase, aux propos aussi mystiques que sensuels. Le Mystère, également, une œuvre d'art totale que le compositeur, disparu à l'âge de 43 ans, n'aura pas le temps d'achever. Il faut aussi citer une autre pièce au titre évocateur. C'est Prométhée, ou le poème du feu. Une œuvre à la lisière du concerto et de la symphonie, pour piano soliste, chœur, orchestre gigantesque, mais aussi un instrument tout simplement inventé par Scriabine. C'est le clavier à lumière, en français dans le texte, un instrument tout simplement unique, inventé par Scriabine, qui projette des couleurs spécifiques suivant les notes jouées par le musicien. Ici, Scriabine accomplit le rêve de tous les synesthètes et imagine avant l'heure le grand frère du pianoctel de Boris Vian et son écume des jours. Mais Prométhée nous baigne aussi dans des harmonies étranges, notamment cet accord à 6 sons qui ouvre l'œuvre. Un accord étrange car constitué uniquement de quartes, do, fa dièse, si bémol, mi, la et ré. Qui ne correspond à aucune tonalité connue et que l'on a finalement surnommé l'accord de Prométhée ou accord mystique. Scriabine n'utilisait pas ce terme, mais ce qui est sûr, c'est que cette harmonie qui heurtait son compatriote Rachmaninov a quelque chose de flottant, d'intemporel, et pourrait nous conduire partout, vers Debussy et ses gammes partons, ou encore vers Ellington et le jazz, avec ce Reflections in D, ces reflets sublimes composés en 1958, qui réfléchissent, pourquoi pas, le visage de Scriabine, le Prométhée de la musique. Thank you. Les visions mystiques d'Alexandre Scriabine, une introduction au compositeur signé Max Dosolm. Une chronique comme chaque jour à réécouter sur l'application Radio France. Et cela m'a fait penser à une autre œuvre mystique du compositeur, Vers la flamme, qu'il compose à la fin de sa vie en 1914, écrite sans armure. Le compositeur qui aurait eu une vision apocalyptique lors d'un voyage en train, voyant, je le cite, des flammes cosmiques comme des vibrations de son et de couleur se fondre dans l'embrasement final de l'univers. Vers la flamme, l'opus 72 d'Alexandre Scriabine, interprété par Vladimir Ashkenazy. Bonjour Rodolphe Renaud-Moulier. Bonjour Gabriel. Et bonne année à vous. Je sais que bonne tout à l'heure, à dans En Piste avec Émilie Munera, vous allez commencer par du Bach, mais aussi à l'honneur un beau coffret sur un compositeur du XXe. 2024, ça a été l'année Fauré, l'année Schoenberg, l'année Bruckner, et on a un peu oublié Charles Ives. Superbe compositeur, mal aimé parce que difficile à saisir. Et un beau coffret nous permet donc de retrouver les grands enregistrements de ce compositeur qu'on va écouter, mais aussi des raretés. Et lui, d'ailleurs, le compositeur au piano. Donc il y a des enregistrements d'archives et ça va nous occuper sur deux journées. Merci Rodolphe, à tout à l'heure, 9h. À tout à l'heure. Il est 8h30, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Gabriel Oliver Aguillon. Bonjour Marion Rompal. Bonjour Gabriel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Un nouveau disque Oiselle paru il y a quelques mois et puis des concerts à Paris ce vendredi 10 janvier. Une belle tournée qui s'annonce jusqu'en mai partout en France. C'est votre sixième disque. Vous aviez gagné une victoire du jazz dans la catégorie artiste vocal pour votre précédent disque Tissé. Et vous continuez à nous plaire Marion Rompal avec votre style jazz, folk, chansons françaises, poétiques, pop. 14 titres qui sont de votre composition mais coécrits avec les musiciens qui sont avec vous sur le disque, des fidèles comme le multi-instrumentiste Mathis Pascot et d'autres. Comment vouliez-vous, Marion Rompal, vous entourer pour ce nouveau disque, ces couleurs particulières ? C'est une continuité avec le disque qui a précédé, Tissé. Ça fait environ 5 ans qu'on travaille ensemble avec Mathis Pascot, donc qui est guitariste, réalisateur, et c'est vrai, il joue plein d'instruments à cordes, mais pas seulement sur ce disque-là. Donc l'idée était quand même de s'entourer avec une équipe qui est déjà une équipe fidèle, en fait, depuis quelques années. Et puis d'y inviter d'autres musiciens, notamment Gaël Racotondrab au piano, ou Christophe Panzani aux clarinettes, et des voix, comme on aime bien inviter des voix aussi à partager les textes, à partager les mélodies. Et plutôt que d'aller chercher dans un tout autre paysage, je pense qu'on avait envie de continuer sur une lancée, c'est-à-dire un processus déjà essayé sur le disque précédent, et d'insister encore un peu dans cette idée-là. C'est un disque que moi j'ai composé presque exclusivement à la guitare, c'est-à-dire que j'ai repris la guitare en fait ces dernières années. Vous aviez arrêté ? J'avais arrêté, je jouais de la guitare adolescente, je joue ça très très, enfin franchement, je suis très amatrice sur la guitare et je m'étais servi plutôt du piano pour composer jusque-là. Et c'est vrai que retrouver la guitare, ça m'a aidé au niveau de la voix notamment et des intentions mélodiques à être dans quelque chose de beaucoup plus chambriste en fait et de beaucoup plus discret, tout de suite assez folk aussi. Voilà, donc Oiselle, il est un peu c'est un album un peu d'aboutissement sur ces formes-là aussi, couplets, refrains. Absolument. Qui est peut-être beaucoup plus chanson que le précédent, ouais. Vous êtes en résidence jusqu'en 2026 à Jazz sous les pommiers, à Coutances, l'aventure collective qui donne aussi cette force, hein, une responsabilité dans la création. Ça semble vraiment vous convenir pour donner justement jour à toutes vos idées, toutes vos influences là, qui se retrouvent. Marion oui, c'est une vraie joie cette résidence. Je suis très très frustrée parce que c'est comme les premières années d'un enfant, ça passe trop vite, ça passe très très vite et je suis particulièrement joyeuse parce que ça me permet de refaire le lien aussi à des choses et à des formes et à des pratiques de la musique qui vraiment me tiennent à cœur, à savoir le concert aussi intimiste. Là, on va faire des concerts chez l'habitant avec une équipe franco-canadienne autour de formes assez folk, en fait, assez traditionnelles, mais qu'on va improviser, détourner, etc. Et puis, je vais avoir la chance de porter sur mes petites épaules un hommage à une très grande dame du jazz qui était Abbé Lincoln, qui était à la fois une grande chanteuse de jazz, mais aussi une compositrice, une autrice, qu'on chante pas beaucoup aujourd'hui. Donc là, c'est un projet presque de ce que Fanny Pagès de La Strada, La Marciac, appelle le matrimoine du jazz, c'est-à-dire refaire aussi entendre les compositrices, les femmes importantes dans le jazz. Et c'est vrai que cette résidence à Jazz sous les pommiers me permet ça, me permet moi d'être évidemment au travail, en avant avec mes propres créations, mais aussi d'être actrice de mémoire et de lien au répertoire, ce qui dans le jazz est très important aussi. Et là, sous l'aile, couleur du vent, tu devinant ton bourre qui parle. Selon l'écho qui te ressemble, goûtant les mauvais fruits du soir, tu veux son cou, tu veux tout ce que promet. Extrait du nouveau disque de notre invité Marion Rampal, paru il y a quelques mois sur le label Les Rivières Souterraines. Le disque s'intitule Oiselle, et là, cette chanson Oiseau, avec vous, Marion Rampal, Mathis Pascaud, Raphaël Chassin, Simon Tailleux et Gaël Racotondrabe. Dans ce titre-là, votre voix est posée, à la fois elle frémit, un français qui est bien malaxé, et donc ces oiseaux, ces figures éternelles qui ont tant inspiré dans le monde de la musique dite classique ou même la chanson. Qu'est-ce qui représente l'oiseau pour vous, Marion Rampal ? Bah, à la fois, évidemment, une liberté, ça c'est un peu la première image qui vient, une étrangeté, bien qu'il soit très présent dans nos vies, même en ville, on peut observer les oiseaux. Alors, ils sont bipèdes, c'est ce que Bertrand Belin m'a fait remarquer. Qui chante à vos côtés sur une chanson. Il n'y a pas très longtemps, ouais, c'est des bipèdes, mais bon, ils savent voler aussi, donc c'est quand même d'étranges créatures. Il y a un lien au chant, évidemment, à la communication vocale. Je pense que le chant des oiseaux nous inspire et nous interroge depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est aussi une figure, je me suis rendu compte... vous savez, quand vous travaillez sur une thématique, il y a une sorte de logique inclusive qui se met en place. C'est-à-dire que tout dans le monde sensible autour de soi fait signe vers ce qu'on est en train de travailler. Mmh. Bon, il y a un petit effet comme ça que je connais bien. Et l'oiseau, il est présent évidemment dans beaucoup, beaucoup de poésie, de gens qui m'inspirent. C'est une figure assez essentielle. Donc j'avais envie de me concentrer là-dessus, un peu comme une sorte d'exigence poétique. Je m'étais dit, tu fais un album sans chanson d'amour qui parle ou qui évoque les oiseaux. Ça m'a permis de parler aussi de la migration, ça m'a permis de parler de l'enfance, parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux et de noms d'oiseaux dans mon enfance, et d'expressions. Donc c'est aussi un disque qui regarde pas mal vers l'enfance et les souvenirs, notamment vers ma grand-mère. Oui, c'est ça. On voit que les femmes sont présentes, à la fois votre grand-mère, c'est ça, dans la chanson « D'où vient l'hiver » ou encore cette histoire d'une femme sauvage dans les Cévennes. Et puis des chansons aussi hommage à des grands noms, Louise Michel, Colette Mani, Rosa Luxembourg. Ça, ça a été important pour vous aussi. Il y a l'idée toujours de faire signe oui, vers des figures farouches, en fait, des figures... qui sont courageuses, qui sont pleines d'espoir, pleines de critiques aussi, c'est-à-dire de critiques par rapport à un monde structuré selon des pouvoirs et selon des chaînes de pouvoir. Donc il y a souvent cette idée-là quand même dans pas mal de chansons et souvent dans mon travail, ouais. C'est un disque, Marion Rampal, là, Oiselle, qui s'éloigne peut-être un peu du jazz, on en parlait tout à l'heure, mais on a beaucoup de chansons, donc avec refrain et couplet en alternance, mais on va revenir justement à ses racines, le jazz que vous avez découvert toute jeune. Vous êtes née en 1980, et à 19 ans, vous avez rencontré le saxophoniste Raphaël Imbert, il y a eu cette compagnie Nine Spirit, un collectif entre jazz traditionnel, contemporain, improvisation. Vous y êtes toujours liée ? Je suis toujours liée à Raphaël, alors c'est le parrain de ma fille, donc c'est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. On a plutôt moins travaillé ensemble ces dernières années. Raphaël est très occupé aussi sur ses propres projets. Et puis, il œuvre à Marseille, puisqu'il est devenu directeur de l'INSEAM, donc il est de cet institut de formation artistique. Donc, il a plein de chantiers formidables à mener à Marseille. Et je l'en remercie en tant que Marseillaise, ex-Marseillaise. Je trouve qu'il fait un travail formidable. Ça reste quelqu'un qui m'a montré et appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment l'ouverture à d'autres répertoires folkloriques, traditionnels, classique, chanson. Raphaël, c'est quelqu'un avec qui j'écoutais Léo Ferré, Bob Dylan ou Van Morrison dans sa voiture. Et puis, on a joué avec l'ensemble 415 de Chiara Banchini, un banjoïste qui faisait de la musique concrète et de la musique des Appalaches américains. Donc, il m'a montré comment ouvrir des portes dans la musique. Et puis, un autre de vos fidèles, Pierre-François Blanchard. Vous avez cité tous ces noms, mais il y a aussi Gabriel Fauré. Je veux que le matin l'ignore, le nom que j'ai dit à la nuit, et qu'au vent de l'aube sans bruit, comme une larme, il s'évapore. Je veux que le jour le proclame, l'amour qu'au matin j'ai caché et sur mon cœur ouvert penché comme un grain d'encens, il l'enflamme. Je veux que le couchant l'oublie, le secret que j'ai dit au jour, et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe. Thank you. Musique de Gabriel Fauré, texte d'Armand Sylvestre, Le Secret. Marion Rampal, notre invitée ce matin avec au clavier, il y en a plusieurs, Pierre-François Blanchard. Un extrait de votre disque Le Secret, sorti en 2019. Il y a aussi du Michel Legrand dans ce disque-là, Fauré. Donc, quelle merveille hein, cette mélodie. Et puis Debussy ou encore Schubert. Et des projets, il y en a plein votre tête, Marion Rampal, au milieu de votre tournée Oiselle, qui commence donc ce vendredi à Paris au Théâtre de l'Athénée et puis juste au printemps partout, dans plusieurs villes en France. Vous avez eu l'idée d'un beau projet depuis 2 ans, des répertoires francophones d'Amérique du Nord. Et ça, on aimerait bien en savoir un peu plus, parce que ce n'est pas juste des projets musicaux, il y a des podcasts, films, rencontres, discussions, échanges avec tout ça. Oui, ça s'appelle Petite Maison. Et alors, je me suis mise à écrire en français et à chanter en français, mais surtout à écrire en français, au contact des chansons de la Louisiane, des chansons cajun et créoles. Donc c'est vrai que c'est en entendant le français ailleurs et le français d'ailleurs que ça m'a intéressé de chanter en français. Et ces répertoires-là, ils sont directement inspirés de répertoires français très anciens et des répertoires ruraux, traditionnels. Ce qu'ici, on aurait tendance à avoir un peu perdu. En tout cas, en allant au Canada, je me suis rendu compte aussi au Québec qu'il y avait eu une sorte de préservation comme ça et de réinvention constante de très anciens répertoires. Et quand j'écris une chanson, je ne prétends pas inventer quelque chose. Je prétends inventer, mais avec quelque chose et des choses qui existent déjà. C'est-à-dire continuer un geste qui a déjà été fait avant moi. Un travail sur la transmission orale, la mémoire. Oui, et les émotions qui nous traversent, les histoires qu'on vit, elles n'ont pas beaucoup changé finalement dans la modernité. Donc ça me passionne ces histoires de filles agressées par des marins au bord de la rivière ou de mariages rapides après qu'on se soit laissé aller au bal. Voilà, donc allons à Lafayette comme ça, il faut se marier puisque maintenant la fille est tombée enceinte, donc... Il y a plein d'histoires qui sont passionnantes. Alors, c'est un travail presque un peu anthropologique, quoi. Autant poétique qu'anthropologique. Et des concerts à venir très bientôt des dans votre ville natale, à Marseille, voilà, à la Maisonne, qui est un lieu qui fête ses 20 ans, qui est un lieu vraiment ami. Hein. C'est un lieu que j'aime beaucoup depuis très, très longtemps, depuis sa création. J'aime bien aller faire des premières fois, voire des avant-premières fois là-bas. Et puis, une série de concerts chez l'habitant autour de Coutances et à l'Hôtel Dieu de Valogne aussi. Le 29 janvier, dans quelques jours. La mémoire, les souvenirs d'enfance, c'est aussi ce que nous ressentons à l'écoute de Oiselle, justement, votre dernier disque, mémoire qui intime, qui se partage et qui fait du bien. Alors. C'est une mémoire qui ressort. C'est vrai que c'est la langue... Il y a la langue de la grand-mère paternelle qui est ressortie sur ce disque-là. Ouais. Et puis elle est décédée il y a plusieurs années, au moment du confinement, et sont revenus des souvenirs, des mots. C'est vrai qu'ils ont été plus légers à partager et à composer avec, en tout cas. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon. Maison. Tout de suite, c'est l'heure, Marion Rampal, de votre diaporama sonore. Quelques extraits musicaux qui vous feront réagir très certainement. Le premier, tout de suite. Black Rider, Black Rider, you've been living too hard. Been up all night, have to stay on your guard. The path that you're walking, too narrow to walk. Every step of the way. C'est Bob Dylan dans son disque Rough and Rowdy Ways. Ça date d'il y a juste quelques années, ça. Et c'est une pièce extraordinaire, Black Rider, le cavalier noir. C'est comme s'il se parlait à lui-même. C'est une chanson de fin de tout, quoi. De fin du monde, de fin de vie, de fin de carrière. C'est vraiment le maître, Bob Dylan, je trouve, de l'écriture de chansons. Et puis son chant aussi est extraordinaire. Et cette pièce-là, elle est relativement intéressante parce qu'on dirait une ancienne chaconne. Elle a quelque chose de très classique qui me plaît beaucoup. Deuxième extrait tout de suite. Au signoré du bois, au signoré sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière comment il faut aimer, comment il faut aimer, comment il faut aimer, je m'en vais vous le dire. Faut chanter des aubades 2 heures après minuit. Faut lui chanter ma belle. C'est la grande Cathy Berberian dans les folk songs de Luciano Berio. Le Rossignolet du bois, c'est une chanson, presque séminale pour moi, c'est-à-dire que c'est la racine de plein d'autres chansons. Et en allant, en traversant l'Atlantique, en allant dans les contrées maritimes, en Acadie, aux îles de la Madeleine, etc., on nous a partagé d'autres versions des Rossignols et des Rossignolets qui viennent des forêts, qui viennent et vraiment avec cette idée du Rossignol du bois qui apprend à aimer, qui apprend à connaître la manière d'aimer. Une chanson qui fera partie de votre projet, La Petite Maison ? Oui, une chanson qui fera en fait l'objet d'un collage entre des collectages qu'on a pu réaliser et puis des explorations à nous. Marion Rampal, c'est le troisième extrait. La vieille prière bouddhique de Lili Boulanger. Que vous avez choisi. Que j'ai choisi. Elle a écrit ça. Elle est décédée très jeune, Lili Boulanger. Elle a écrit ça pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. C'est une pièce qu'on explore en ce moment, justement, avec Pierre-François Blanchard. Et qui me touche beaucoup, parce que d'abord, c'est une très belle prière bouddhique, hein, qui dit que chacun soit libre de son mouvement, hein, dans sa propre voie, et que chacun a sa place sans ennemi d'avoir son propre mouvement. Donc, dans mes petites convictions spirituelles, il pourrait y avoir des choses de cet ordre-là. Et puis, je suis très touchée par cette mélodie et par la singularité de l'orchestration, de ce travail très lyrique comme ça, et ça fait partie des pièces qui, moi, m'inspirent beaucoup, ce genre de pièces. Vous allez beaucoup au concert ? Je vais pas assez au concert, ni d'ailleurs au théâtre, ou au ballet, ou aux expositions. Enfin, je trouve que c'est jamais assez. Il est vrai que, enfin, j'ai vu des concerts qui m'ont beaucoup marqué ces derniers temps. Je peux parler de Cat Power et de Anoni and the Johnson. C'est vraiment, deux artistes qui m'influencent beaucoup. J'ai tendance à mieux composer, à mieux écrire en regardant les choses, c'est-à-dire la nature et aussi des tableaux ou des œuvres visuelles. Ça fonctionne plutôt comme ça pour moi. Dernier extrait pour vous. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite. C'est Yougali de Courtevaille. Et vous-même ? Oui, c'est moi qui le chante avec Raphaël Imbert à la clarinette et puis le quatuor Manfred avec qui j'ai partagé ce répertoire que moi j'ai trouvé extraordinaire qui s'appelait Bye Bye Berlin. Et on explorait les compositeurs du Berlin des années 20. Disque paru en 2018, Raphaël Imbert qui partage donc votre vie artistique depuis bien longtemps, Marion Rampal. Un autre grand musicien aussi dont nous n'avons pas parlé ce matin, c'est Archie Shepp, le grand saxophoniste américain, légende de 87 ans. Quel lien avec lui encore aujourd'hui ? Un lien de compagnonnage toujours, on se voit quand même régulièrement avec Archie. On chante, on pratique pas mal ensemble, notamment aux côtés de Pierre-François Blanchard, qui l'accompagne beaucoup aussi. Et puis là, je suis en train d'écrire un morceau dans le cadre de l'hommage à Abbé Lincoln. Abbé Lincoln et Archie ont travaillé ensemble. Mmh. Et un morceau que j'aimerais partager avec Archie pour qu'on puisse le chanter ensemble. Ouais. Marion Rampal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous serez donc en concert au Théâtre de l'Athénée à Paris ce vendredi 10 janvier, mais donc partout en France aussi dès le 14 janvier. Je vais citer quelques dates. Donc le 14 janvier à Château Arnoux, le 8 février à Changé dans la Mayenne, et puis après dans le Nord, dans le Val d'Oise, Finistère les 28 et 29 mars, et puis Lille-et-Vilaine, Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou encore Sainte-Savine dans l'Aube. Ce sera le 17 mai. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette présence avec nous. Et puis nous allons vous écouter quand même, vous en avez parlé, Bertrand Belin, dans De Beaux Dimanches de ce nouveau disque. Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues, nous s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras. deux pas pour le bal, trois sur le côté. Passez lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, on nous s'attourne à travers le temps. Pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve sans faire. Les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve. De beaux dimanches, un extrait du nouveau disque de Marion Rampal avec la voix, là, sur ce titre-là, de Bertrand Belin. Si s'achève Musique Matin aujourd'hui, merci beaucoup à l'équipe Julia Macarès, Titouan Chapu, Agathe Lévy et Valentin Lévy-Chaudet. À la réalisation, Margot Page, merci beaucoup. Et la voix mystère, la voici. J'ai 22 ans, je suis de New York, ma mère est française de Paris. J'ai servi en Vietnam avec l'armée américaine pour 15 mois et je rentre aux États-Unis il y a 6 mois. C'était la voix d'Oliver Stone. Peut-être un peu compliqué ce matin. Demain, on va essayer de faire plus simple. Je vous souhaite une excellente journée et dans quelques instants, c'est En Piste. Radio France fête ses 50 ans. 50 ans de liberté. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai essayé de respecter le protocole et juste là, c'est trop de violence à un moment. La violence, c'est un instrument de pouvoir. Et les agresseurs ne tirent profit que pour eux-mêmes. Autour d'eux, ils détruisent. Or, chacun sait que quelquefois, la raison d'État flirte de très près avec le terrorisme. Alors moi, Joël, ce que je dis, c'est fini la raison d'État. Je m'aperçois que nous sommes 3 femmes pour défendre une position et 3 messieurs pour défendre la position. Ça, c'est une incidence. Ça fait 27 ans que je suis dans le textile. J'ai fait la Somme, j'ai fait la Haute-Saône. Je suis venu en Ardèche et bilan, reviré. Car aujourd'hui, dans la musique aussi, les datas font dorénavant la loi. Non, mais non, si. Mais non. C'est un film qui est très bien fait. L'essentiel. C'est que tu penses une chose pareille. On n'a pas le droit de faire des films aussi grossiers, aussi vulgaires. C'est pas un film grossier. À tous égards. Non. Tout est affreux. Alors, le rire, parlons-en et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. J'ai des chaussettes, Ben. Les semaines qu'elles sont au fond de mon placard parce qu'elles sont complètement usées. S'il y a un trou dedans, tu dis que c'est un trou de Ben. Et c'est pas mal, c'est déjà une œuvre parce que j'ai signé les trous. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? Cela fait 50 ans que nous partageons tout cela et il nous reste tant à vivre ensemble. France Musique. Il est 9h tout juste. Nous, demain, nous recevrons à 8h30 Laurent Bayle pour le centenaire de la naissance de Boulez que nous célébrons en cette nouvelle année. Et donc, tout de suite, des nouveautés de disques par centaines. C'est en piste et nous sommes dans le même studio. Voilà, voilà petit problème. On va depuis pas la tout dévoiler. Semaine dernière, allez. 2025, que se passe-t-il? Mais ça nous que permet de se voir. Eh ben absolument, en vrai, ça y est, je vois positif. Vos visages. Oui. Absolument. Et vous allez entendre le violon de Joshua Bell ce matin et toute la semaine d'ailleurs. Si vous aimez ce violoniste, c'est le moment d'écouter en piste. Eh ben c'est parfait, je serai là. Bonne émission. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour Rodolphe, Joshua Bell, oui, mais aussi quelques cantates de Bach, c'est tout de suite. Oui, et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Normalement, ça met toujours en forme, même un lundi matin. Ah ça, je sais que ça vous plaît beaucoup. Une petite cantate de Bach, pas si petite, c'est la BWV 54, c'est la voix de Margot Oettinger et c'est l'Orfeo Baroque Orchestra. C'est un ensemble fondé en 96 dont on voit régulièrement passer les disques dans cette émission, on aime beaucoup. Mais finalement, je me disais que c'est un ensemble assez discret, qui joue peu en France comparé à d'autres, qui n'enregistre pas pour de grandes maisons de disques. Et c'est pourtant un ensemble génial, cet Orfeo Baroque Orchestra qui a été fondé par la violoniste Michi Gay, élève d'Arnoncourt et de Keuken, un ensemble finalement dans la tradition des grands ensembles sur instruments anciens. Il est basé à Vienne. Et d'ailleurs, avant de fonder cet ensemble, vous saviez que c'est elle qui avait également fondé l'Arpa Festante, autre ensemble. Donc c'est une musicienne violoniste qui a, je pense qu'il y a les forces nécessaires pour rassembler autour d'elle des musiciens. Et ça s'entend dans ce disque Bach, il y a une belle énergie avec des cantates pour solistes. Thank you. Welt allein. Ich bin dein Müde, seinen Zwicken schien mir an. Welt allein. Welt allein. Welt allein.